au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila moja wenu mujina la Yesu Kristo. C'est vrai. Ni kweli. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Est l'unique Dieu tout-puissant. Niye peke Mungu wa uwezo yote. Il est digne de louange. Anastaili sifa. C'est de lui que nous dépendons. Tuku naishi juu yake. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Kile tuiko leo. C'est par la grâce. Ni kwa neema. Par l'amour. Mapendo. Et par la bonté de Jésus-Christ. Na kupitia wema ya Yesu Kristo. Que son nom soit glorifié. Jina lake litukuzwe. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame njo usome neno. Ézéchiel au chapitre 33. Ézéchiel 33. Dans son verset 11. Mustari yake ya 11. Nous prendrons aussi Jérémie 29. Kisha tutabeba tena Yeremia 29. Dans son verset 11. Mustari yake ya 11. Merci notre Père. Aksante Baba yetu. Merci pour la belle décision que tu avais prise. Aksante juu ya mipango mzuri uliyobebaka. Après la chute de l'homme, devenir un homme. Kisha kuanguka mtu upate kuya mtu. Pour s'occuper de son âme. Juu ya kuangaikia nafsi yake. Pour s'occuper de sa vie. Juu ya kuangaikia bushima bwa mtu. Pour s'occuper de son bonheur. Juu ya kuangaikia raha ya mtu. De tout cœur, nous te disons merci. Na moyo yote tunakupitia asante. Si toi tu n'étais pas un candidat à la mort, kama weye aukuchike kufwa, nous serions perdus pour toujours. Siye tulipasha kupotea kwa lote. Nous serons des malheureux. Tulipasha kuya baole. Mais tu as pris notre place. Lakini ulichukua fasi yetu. Et aujourd'hui nous pouvons nous appeler enfants de Dieu. Na leo tunaweza kujita batoto ya Mungu. Parce que le travail que tu as fait, sababu kazi lotimiza, nous a retourné à la position première. Iliturudisha muali yetu ya kwanja. Descends, Seigneur Jésus. Upate kushuka, Bwana Yesu. Nous sommes ces créatures malheureuses. Tuko iumbile ya ole. Pour lesquelles tu as versé ton sang. Juu yayo ulimwanga damu yako. Pour lesquels tu as fait beaucoup de sacrifices. Juu yetu ulijitoa sana. Qu'aucun homme ne pouvait faire. Na hakuna mtu hata moya aliweze kuifanya. Comme tu l'as dit sur Israël. Paka vile ulisema yule Israël. Tu n'auras jamais de repos. Kamwe hautaiba mapumziko. Jusqu'à ce que son salut apparaisse. Kufika na pale okovu yake itaonekana. Et pour notre salut. Na njua okovu yetu. Tu te privas aussi de repos. Na we ujikataria kupumzika. Pour que nous soyons le fruit de la manifestation de ton amour. Matunda ya kuonekanisha mapendo yako. Seigneur merci. Bwana asante. Bénis chaque frère. Bariki la nduku. Bénis chaque sœur. Bariki la dada. Nous sommes des êtres faibles. Tuko biumbe bizaifu. Nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Atuelewe bitu ya mingi. Mais toi tu es éternel. Mais lakini we uko wa milele. Tu nous connais suffisamment. Unetujua mzuri mzuri. Viens à notre secours. Upate kuya kutusaidia. Ouvre notre entendement spirituel. Ufungule kushikia kwetu kwa kiro. Nous que tu avais prédestiné à la vie. Shie bale ulitanguria kutayarisha kubujima. Donne-nous la révélation de tes plans. Utupatie mfunuo ya mapu yako. Lorsque nous les comprendrons en profondeur. Wakati tutaelewa katika upana. Nous serons sérieux dans notre foi. Tutakuya bei kunyoloka muimani yetu. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Bénis cette église. Ubariki kanisa. Béni les frères, les sœurs. Bariki banduku na badada. En ligne. Bana tufata kumtandao. Viens-toi de la sœur Mujinga. Kumbuke da Mujinga. Au Portugal. Kule ku Portugal. Qui passe un moment d'épreuve. Ule kuna pita mwakati ya kibikwazo ya magumu. Mais qui a mis sa confiance en toi. Mais lakini alikutumainia weye. Comme tu l'as fait pour les autres. Pavlo rifanya jua bengine. Viens-toi aussi d'elle. Na ye umukumbuke. Elle est fille d'Abraham. Ni binti wa Ibrahimu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Il y a d'autres requêtes. Kama kuma hitaji ingine. Qui n'ont pas été déposées ici. Ile haikuletewa hapa. Toi qui connais toutes choses. Wewe mwenye kujua yote. Parce que tu es omniscient. Sababu uku ule unaiwaka yote. Réponds à chaque frère. Na upate kujibia kwa kila ndugu. Réponds à chaque sœur. Ujibu kwa kila hitaji ya kila dada. Kufuatana na ngaiko yake. Béni la parole. Bariki neno. Au nom de Jésus-Christ. Mujina na Yesu Kristu. Nous te prions ici. Tuna kuomba hivi. Amen. Amen. Ézéchiel 33. Ézéchieli makumi tatu na tatu. Dans son verset 11. Mu mustari yake ya kumi na moya. Dis-le. Ubambie. Je suis vivant. Niko mujima. Dis-le. Ubambie. Wende ukebambie. Je suis vivant. Niko mwenye hai, niko mzima. Dit le Seigneur, l'Éternel. Anasema wa milele. Dans la véritable version, tradition. Muku tafsiri kwa kweli. C'est écrit. Nandikwa. Dit Yahweh. Anasema Yahweh. Dit Elohim Yahweh. Anasema Elohim Yahweh. Ce que je désire. Kile mie nunataka. Ce n'est pas que les méchants meurent. Aina kwamba babaya bapate kufwa. Ce qu'ils changent de conduite. Bapate kubadilisha mwenendo yabo. Le. Ils changent. Abadilishe mwenendo yake. Ce que je désire. Ile nunataka mie. Ce n'est pas que les méchants meurent. Aina mumbaya apate kufwa. Muntu mubaya. Ce qu'il change de conduite. Nikusema abadilishe mwenendo yake. Et qu'il vive. Na apate kuishi. Revenez. Rudieni. Revenez de votre mauvaise voie. Murudie mwanjenu mubaya. Et pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Jua nini mkuna kufwa nyumba Israeli? Pourquoi mouriez-vous? Jua nini mutakufwa? Église de Kambov. Kanisa Kambov. Pourquoi mouriez-vous? Jua nini mtakufwa? Mets ton nom là-dessus. Weka jina yako pale. Pourquoi tu veux mourir? Jua nini unataka kufwa? Dans Jérémie au chapitre 29. Mu Yeremia makumi mbili na tisa. Verset 1. Mu mustari yake ya kumi na moja. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Kwani minajua mapu ile nilitunga yulu yenu. Dit l'Éternel. Anasema wa milele. Projet de paix. Mapu ya salama. Un nom de malheur. Aina ya ole. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Njuu ya kumipatia maisha mzuri na matumaini. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana engeze baraka kusoma neno lake. Car je connais les projets. Kwani minayua mapu. Que moi j'ai formé sur vous. Ile mie nilitunga juu yenu. Projet de paix. Mapu ya salama. Et non de malheur. Apana ya ole. Afin de donner à chacun de vous. Kusudi nipate kupatia kila moja wenu. Un avenir. Maisha mzuri. Mwenda mashiku ya mzuri. Et de l'espérance. Na matumaini. Ou en d'autres termes. Mukusema kwingine. afin de vous donner la vie éternelle. Kusudi nipate kumipachia bujima milele. Un bonheur éternel. Naha ya milele. La pensée de Dieu avait conçu toutes choses. Wazo ya Mungu litunga kabitu biote. Mais la préscience de Dieu vit. Lakini kutanguria kuona kwa Mungu kunakuya. La préscience a vu. Kutanguria kufahamu. La préscience constata. Ikaona. Ce qui se passerait sur la terre. Bile benye bitapitikana pa dunia. La volonté parfaite de Dieu. Mapenzi kamilifu ya Mungu. Comme nous l'avons déjà souligné. Paka vile tunesha kuisemaka. Après avoir vu le malheur qui frapperait toute l'humanité. Kisha kona ile ole ripasha kupika ulimwengu mzima. La mort qui frapperait tout homme. Lufu ile ripasha kubamba mtu wote. Après le péché d'Adam, kisha zambi ya Adam, comme nous l'avons déjà dit, Pabele tunesha isema, Dieu remarqua que l'humanité, Mungu ariona kwamba ulimwengu, ou la postérité d'Abraham, wala uzao ya Ibrahimu, les enfants Adam, batoto ya Adam, n'était pas responsable. Abakukuye benye mambo. Ils ont hérité le péché de leur père. Bo baririti tu zambi ya baba yabo Adam. Par la voie de la naissance, kupitia njia ya kuzalikwa mwili. Ils ont emporté Barichukua le péché et la mort. Zambi na lufu. Ils ne sont pas responsables. Abu aivena benye mambo. Dieu a eu son avant-projet. Mungu alikuwa na ile inatanguliaka mapu yake. Maintenant, Dieu a fait un projet. Sasa, Mungu anafanya mapu yenyewe. La prescience. Na kutanguria kufahamu. Et la pensée de Dieu. Na wazo ya Mungu. Font partie de l'avant-projet. Biko mule muta, ile anatanguria mapu ya Mungu. Dieu maintenant en voyant tout cela, Mungu mukona bilebiote. Elohim en voyant tout ce qui se passerait sur l'homme, Elohim mukona bilebiote pachipitikana yo ya muntu. Il fit alors un projet. Sasa akafanya katunga mapu. Un projet sur l'homme qu'il avait vu être perdu. Mapu yuli ya muntu larionaka kupotea. Et dans le projet de Dieu, na mumapu ya Mungu, il voulait ramener l'homme à sa position première. Alipenda kurudisha muntu mu ali yake ya kwanza. Il voulait le retourner à la vie éternelle. Alipenda kumrudisha ubuzima wa milele. Il voulait faire du bien à l'homme. Alpenda kumfanyia mtu vizuri. Dieu n'a jamais créé l'homme. Mungu ayaumbaka mtu. Pour le voir mourir. Ju amone vile kunakufa. Et demeurer dans la mort. Na apate kudumu mulufu. Dieu n'a jamais créé l'homme Mungu ashaumbaka muntu pour le voir souffrir. Ju amone kuna teswa. Non frère. Apana nduku. Non ma sœur. Apana dada yangu. La souffrance. Mateso. La maladie. Magonjwa. La mort. Lufu. N'a jamais existé dans la création. Abikukuyakeko mumaumbile. Le péché n'est pas une création divine. Zambi aina Mungu ariumba. La souffrance n'est pas une création divine. Mateso aina Mungu ariumba. La maladie n'est pas une création divine. Magonjwa aina Mungu ariumba. Non bien-aimé frère. Apana nduku. C'est la perversion de Satan. Il est nuaribifu wa shetani. Parmi toutes les créatures. Katikati ya maumbile yote. Que Dieu depuis l'éternité voulait créer. Il est Mungu tangia milele afia kumba. L'homme était la créature la plus importante. Mutu njo alikuwa kiumbe kia mafaa kabisa. En dehors de Dieu. Kutosha kutu Mungu. Il y avait d'abord Dieu lui-même. Kwa kwanza Mungu yeye mwenyewe. Et ensuite l'homme. Na ula nafuata ilikuwa ni mtu. Même les anges. Ataba malaika. Aux yeux de Dieu. Macho ya Mungu. N'était pas important. Abakuwe na mafaa kabisa kushindia mtu. Les anges n'avaient pas de valeur. Ba malaika abakuwe na bei sana. Plus que l'homme. Kushindia mtu. Non bien-aimé frère. Bana nduku mpendwa. Non bien-aimé sœur. Bana dada mpendwa. Même dans son avant-projet, dans sa pensée. Ata mawazo yake mbele ya mapu. L'homme était d'une valeur exceptionnelle. Mutu alikuwa na bei moja ya kipekee. Et vous comprendrez pourquoi Dieu a fait beaucoup de sacrifices. Na mutelewa juu ya nini Mungu alijitoa sana. Vous comprendrez pourquoi. Mutaelewa juu ya nini. Quand l'homme est tombé. Mwakati mutu alianguka. Même la vie de Dieu lui-même. Hata maisha ya Mungu yeye mwenyewe. N'avait pas d'importance. Haikuwa na mafaa. Par rapport au salut de l'homme. Mbele ya wokovu ya mtu. Dieu fut capable, Mungu, arriva, comme il a exprimé, comme il a manifesté, sa vie akasema, n'avait pas de valeur bwaki, anabei, vis-à-vis du rachat de l'homme. Ya ukombozi ya mutu. C'est pourquoi quand l'homme est tombé, il est venu. Juu kwa maana, mwakati mutu aranguka, ya alikuya. Comme il est Elohim. Ça veut dire Elohim. Il est le Tout-Puissant. Ye, ni wa uwezo yote. Il est celui qui vit par lui-même. Eko naishi kupitia yeye mwenyewe. Et celui qui existe par lui-même. Na eko wako njua yeye mwenyewe. Lorsqu'il n'y avait pas de solution. Wakati ile akukue tena jibu. En ce qui concerne le salut de l'homme. Kwa ile langaria okovu ya mutu. De la situation de l'homme. Na ali ile mutu alipatikana. Voilà pourquoi quand il est venu dans la chair, il disait. Juko maana mwakati alikuwa mumwili alisema. Un véritable berger. Muchunga kondoa kweli. Donne sa vie pour ses brebis. Anekalake kuna toa bujima bwake njoo ankondo. Ses brebis ont une grande valeur devant sa face. Kondo yake iko na bei kabisa kwa macho yake. Il disait. Alianza kusema. J'ai le pouvoir. Niko na uwezo. De donner ma vie. Ya kutoa bushima bwangu. Et j'ai le pouvoir. Na niko tena na uwezo. De la reprendre. Ya kubeba tena. Je suis capable. Niko na uwezo. Pour mes bien-aimés. Juu ya bapendwa bangu. Pour l'homme. Juu ya mtu. De donner ma vie. Nipate kutoa bushima bwangu. Et j'ai le pouvoir. Na niko na uwezo. Après avoir ramené l'homme à la vie. Kumrudisha mtu bushima. Ya kubeba tena bushima bwangu. C'est vrai. Kweli. C'est pourquoi il dit dealer. John Seman ou Kabambi. Dealer. Wende ou Kabambi. Dealer. Dieu a ni nous n'a pas en d'accord. Pourquoi veux-tu mourir? Ce n'est pas dans ma volonté. Aina ma pensiang. Ça ne me fait pas la joie. Abine furaïche. Votre condition me donne de la peine. Alienu iku ni nyuzunisha kabisa. Dile. Wende ukebambie. Je ne désire pas la mort de celui qui veut mourir. Mishipende lufi aula napenda kufwa. C'est vrai. Ni kweli. Maintenant, Dieu, avec sa volonté, sasa Mungu pamoja na mapenzi yake, il fait un projet. Aka tunga map. Quel est ce projet? Na ni mapu kani. Comme sa préscience avait déjà tout révélé. Savile kutangulia kujua kwake kukua kunesha funula biote. Elohim voyant que tous les hommes seraient perdus. Elohim mukona ya kwamba batu bote watapotea. Est vendu gratuitement na par Adam au péché. Biabule kupitia Adam kuzambi. Son amour. Mapendo yake. Sa bonté. Wema wake. Décider aussi. Nako kachukua mipango. De sauver gratuitement tous les hommes. Ya kokoa kwa bure batu bote. Par tous. Kwa ni bote. Qui l'a vu coupable par la faute d'Adam. Bale bote aribaona munkosa kupitia ile kosa ya Adam. Il décida aussi. Na ye akachukua sa mipango, mapendo ya Mungu yo. Décida aussi. Na yo ikabeba sa mpango. De les ramener à la vie gratuitement. Ya kubarudisha kubujima ya bule. Ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Il est Dieu mapenzi kamilifu ya Mungu. Comme nous l'avons déjà dit dans les jours passés. Mashiko kumkongo tulisema. Dans Esaïe 52. Isaïa makumi tano na mbili. Dans son verset 3 l'écriture dit. Musare ki tatu andiko nasema. Car ainsi par l'Éternel. Wani ivi anasema wa milele. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Kwa bule muruzishiwa. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Ni kwa bule muruzishiwa. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Na aina kwa bei ya fedha ili mtakombolewa. Je reviendrai largement sur ce verset. Mitarudiri hapo kwa upana yule ai mstari. C'est gratuitement. Biabu kwa bure. Que vous avez été vendu. Muruzishiwa. Est-ce qu'on peut vendre quelque chose gratuitement? Eti banezi kuzisha kintu kwa bure. Est-ce qu'on peut vendre quelque chose gratuitement? Eti banezi kuzisha kintu kwa bure. C'est à vous que je pose la question. Mwe nous nauliza. Est-ce qu'on peut vendre quelque chose gratuitement? Banezi kuzisha kintu kwa bure. Quand on utilise les termes vendre, wakati banatumikia msemo kuuzisha, cela signifie il y a un prix. Manake kuko bei moya. Nous verrons plus tard ce prix. Tuteona kwenda mashiku ile bei. Et quand l'Écriture dit, na wakati andiko, ce n'est pas à prix d'argent, aina kwa feza, que vous serez racheté. Na mweye mutanunuliwa. Est-ce qu'on peut racheter? Et tu vas les kununua. quelqu'un gratuitement. Mutu biabule. Non. Pan. Quand il y a le terme vendre wakati wanasema msemo kuuzisha et le terme racheter na msemo kununua, cela signifie ile manake il y a un prix, kusema kuko bei, seulement ce prix là msema tu ile bei, ce n'est pas de l'argent, aina fedha, ce n'est pas du matériel, aina kitu ya kupapasa. Je m'arrête là, ninashimamia pale, nous en parlerons plus tard. Tutaisemezea. Dans Romains au chapitre 3, c'est chapitre 3. Wa Roma sura ya 3. Bien aimés frères et sœurs. Pendwa ndugu na dada. Il est souhaitable, je conseille à chaque frère, à chaque sœur. Nous nashauria kila ndugu kila dada. D'avoir l'habitude de lire le message et de lire la Bible. Ni muzuri kwanza kusoma Biblia na kusoma ujumbe. Vous êtes de la génération qui ne lit pas suffisamment. Mwe muko kizazi kyabale abasomake tena. C'est pourquoi la plupart d'entre vous, jukwa mana ba mingi katikati yetu, ont des difficultés pour comprendre. Beku na magumu sana njia kuelewa. Ce qui est enseigné. Bile tunafundisha. Ayez l'habitude de lire le message. Muwe na zoezo ya kusoma maubiri ya ujumbe ya tukanamu. La Bible. Na muwe na zoezo ya kusoma Biblia. Maintenant le Saint-Esprit dans les temps des enseignements. Rom takatifu mafundisho. Vous aidera. Josa sitakuwa kumisaidia. Vous éclairera. Kukuangazia. À comprendre upate kuelewa chaque chose, kila kitu. Beaucoup de frères ont des confusions et des sœurs. Banduku na madada mingi bengariki na muvuruku. Parce qu'ils ne comprennent même pas la Bible, ils ne comprennent même pas le message. Sababu kwanza menye ujumbe abaielewe. Parce qu'ils ne lisent pas. Sababu abaisomake. Lisez le message. Someni ujumbe. Lisez la Bible. Some Biblia. Le Saint-Esprit. Gom takatifu. Vous donnera la révélation. Itemipatia ufunuo. Des enseignements qui vous sont donnés. Wa mafundisho ile nimepewa. Romains chapitre 3. Wa Roma sura ya 3. Dans son verset 23. Mustari yake ya 12. Verset 24. Na makumi mbili na ine. Car tous ont péché. Kwani bote batenda zambi. Et sont privés de la gloire de Dieu. Na barizuizwa na utukufu ya Mungu. Et ils seront gratuitement justifiés par sa grâce. Na kuabure batesabia aki kupitia neema yake. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Kupitia ukombozi ile kondani ya Yesu Kristu. Car tous sont péchés en Adam. Kwani bote batenda zambi kupitia Adam. Voilà pourquoi ils seront gratuitement justifiés. Njo kwa maana batahesabiwa haki kwa bure. Par sa grâce. Kupitia neema yake. Par le moyen de la rédemption. Kupitia ukombozi. Qui est en Jésus-Christ. Yenye kuya ndani ya Yesu Kristu. Dieu, dans son amour pour l'humanité. Mungu, ndani ya mapendo yake juu ya ulimwengu. Fit un don gratuit à tous. Akapatia zawadi ya bule kila muntu. Un don gratuit de grâce. Zawadi ya bule ya neema. Pour que tout le monde soit sauvé. Kusudi mutu wote apate kukulewa. C'était ça sa volonté. Na njo ilikuwa mapenzi yake. La volonté parfaite de Dieu. Mapenzi kamilifu ya Mungu. fut un don gratuit. Ikaleta zawadi ya bure. Un don gratuit de la grâce. Zawadi ya bure ya neema. À toute l'humanité. Ulimwengu mzima. Dieu dit, Mwakasema, l'homme ne payera rien. Mutu ataripa kintu. L'homme ne fera rien. Mutu atafanya kintu. Ils ont été vendus gratuitement. Bari uzishwa kwa bure. Moi aussi. Na mie. Je vais leur offrir un don gratuit de la grâce. Ya bure ya neema. Doivent être sauvés. Manapasha kukulewa. Mon frère, ma soeur. Nduku yangu na dada yangu. Tu n'as pas raison de rester pécheur. Auna na rusa ya kubakia mtenda zambi. Tu n'as aucune justification. Auna na hesabu hata moya. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Depuis l'éternité. Tangia milele. T'avais déjà offert. Il kuaka inesha kupatia. Un don gratuit. Zawadi ya bure. De la grâce. Ya neema. Il n'y a personne qui avait forcé Elohim. Hakuna mtu atamwara mkazaka Elohim. À faire ce plan de la rédemption. Apate kufanya imapu ya ukombozi. Personne ne l'avait forcé. Hakuna mtu alimkazishaka. À offrir ce don. Ju apate kutoa hii zawadi. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Ne fait jamais exception de personne. Aikaraki na chakula mtu. Non frère. Hapana nduku. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Ne fera jamais exception de personne. Gamwe aitachakulaka mtu. C'est pourquoi nous vous avons dit dans les jours passés quand on parlait d'abord de la volonté de Dieu. Je commande à chaque homme mokato on sima ilo mapenzi ya Mungu. Dit clairement. Tumeambiaka waziwazi. Que Dieu. Ya kuomba Mungu. Pour sauver l'homme. Dieu akokoa mtu. Il ne tient pas compte de sa situation. Ashangari yake ali ya ule mtu. De l'état dans lequel il se trouve. Ali anapatikana. Il n'est pas responsable. Ana na mambo mjua ile. J'avais pris presque deux jours pour en parler. Siku mbili jo kusemezea ile. C'est vrai, frère. Nikweli nduku. L'enfant d'une prostituée. Mutoto wa ndumba. Et l'enfant d'un pasteur. Na mutoto wa pastori. Devant l'amour de Dieu. Mbele ya mapendo ya Mungu. Bote beko pamoja. L'enfant d'un pasteur. Mutoto wa pastori. Ne peut pas. Awezi. Se glorifier. Kujitukuza. Non. Hapana. Au détriment de l'enfant d'une prostituée. Ambele ya mutoto andumba. L'enfant d'un bandit. Mutoto amjambazi. Et l'enfant d'un juste. Na mutoto ya mwenye haki. Ils sont égaux. Bote beko pamoja. Il n'y a pas d'exception. Hapana uchakuzi. L'enfant d'un devin. Mutoto ya mufumu. Et l'enfant d'un prédicateur. Na mutoto amubiri. Ils sont égaux. Bote beko pamoja mbele ya neema ya Mungu. C'est comme on vous avait dit ça. Pave tulimwambia. Si aujourd'hui tu ne voles pas. Kama leo auibaki. Mais tu as déjà en toi le désir du péché. Mais lakini ndani yako upa na nia. Tu as le désir de voler. Una nia kuiba. Même si tu ne commets pas du péché. Hata kama autarakati. Mais tu as le désir de commettre la. Mais lakini unekala ile amu ya kutenda kumi. C'est pourquoi quand Jésus est venu. Juko maana wakati Yesu Kristo alikuja. Regardez comment Jésus est venu. Quand Jésus est venu. Tazameni wakati Yesu alifika. Il vous a été dit. Asema ibarishisha miambia. C'est lui qui commettra du péché. Ya kwamba unasema usharati. Mais moi je vous dis. Lakini mimi niambia. Quiconque regarde. Yote ula langaria. Unaona? Dieu maintenant voit seulement la convoitise. Mungu anaona tu tamaa. Le désir là qui est dans le péché. Il est dans votre cœur du péché. Il condamne à moyo ako ya zambi. L'amour de Dieu mapendo ya Mungu s'exprime dans le plan que sa propre volonté conçue pour amener l'homme à la vie. L'Église est avec moi. Le plan du salut est le résultat de l'amour de Dieu. Et le fruit de l'amour de Dieu. Si Dieu n'avait pas aimé l'homme, kama Mungu asikumpendake mtu, il ne ferait pas le plan. Asikutakake kufanya mapu. Pour le chercher et le ramener à la vie. Juu ya kwenda kumutafuta na kumrudisha kubujima. Je le répète encore. Mina rudiamu. Parmi toutes les créatures. Katikati ya maumbile yote. L'homme est la créature la plus importante Mutu en dehors de Dieu. Dio kiumbe kia mafa kabisa kutosha kutu Mungu. Et même pour le prouver, ata njui ya kuyonesha. Regardez quand Lucifer, mwangalieni mwakati Lucifer est tombé, alianguka. Et qu'il entraîna na akabeba pamoja naye maelfu na maelfu ya ba malaika. Dieu, lakini Mungu n'a jamais fait un plan pour le sauver. Aya tunga kako mapu moya njua kwenda kubaokoa. Le premier cri a tombé. Mutu wa kwanza kuanguka aina mtu aina mtu. Le premier cri a tombé. Kiumbe cha kwanza kile kilianguka ilikuwa ni Lucifer. Et Lucifer. Na Lucifer n'était pas un ange ordinaire. Achukue malaika huyo. Lucifer était un kérubin protecteur. Ni mkerubi. Chefu wa kerubi. Le chef des anges. Akuya chefu wa malaika. Lucifer. Na Lucifer. Qui était créé dans la perfection. Ye aliumba mukamilifu. Qui le premier à se révolter contre Dieu. Dio kiumbe cha kwanza kimtombokea Mungu. Mais Dieu. Mais lakini Mungu. N'a pas fait un plan du salut pour lui. Akufanya ata mapu moya njua kumokoa. L'amour de Dieu mapendo ya Mungu n'a pas émis un plan pour sauver Lucifer les anges. Lucifer na ba malaika. Mais quand l'homme est tombé, lakini wakati sasa mutu alianguka, Dieu, Elohim n'est pas resté tranquille. Hein? Elohim akukale tu kimia. Non, frère. Apana nduku. Dans Romains au chapitre 11, wa verset Roma, 32, sura kia kumina moja, mustara kia makumi, a renfermé tous les hommes. Kwani Mungu. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Mungu arifunga batu bote mukutokuti. Pour faire miséricorde à tous. Jua kwa fanchia rema bote. Comme bantu bote. Ça vient tout le monde. Barizari kwa kwanjia ya mwanaume na mwanamuke. Tous les hommes qui sont nés à travers la femme et l'homme. Na bantu bote banakuya batenda nzambi. Et tout le monde sont devenus pécheurs et mortels. Mungu alibacha bote. Dieu les a tous enfermés. Mulufu, dans la mort. Niju eba fanishie bote nema. C'est pour le faire tous grâce. Comme tous sont tombés. Dans les bote balanguka. Vous voyez. Unaona. En Adam. Dani Adam. Dieu aussi fait notre Mungu plan. Mungu naka fanya mapu ingine. Pour ramener tous. Ya kubarudisha bote. Kubujima. A l'obéissance. Kutifu. A la miséricorde. Kureema. Mais comment allait-il le sauver? Na namna kani sasa alipasha kubaokoa. Comment allait-il le sauver? Namna kani alipasha sasa kubaokoa. C'est la, maintenant l'amour de Dieu. Sasa mapendo ya Mungu. Uni un plan merveilleux. Ah, ikautunga sasa mapu ya damani. C'est l'amour de Dieu. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. Ni mapendo ya Mungu. Tous sont tombés en Adam et tous ont été perdus en Adam et ils sont perdus diabolés. Moi aussi, je vais tous les sauver. La volonté de Dieu est l'expression de l'amour insondable de Dieu. Il est à Mungu. L'église est avec moi. Kanisa un amour éternel. Mapendo ya milele. Mapendo qui n'a pas des limites de Dieu. Ni mapendo. C'est l'amour. Yashipo mipaka. Qui n'a pas des limites. À l'égard ya muntu. Aripotea. Upande de l'homme qui a été perdu. Ya Mungu, et l'amour de Dieu. Dieu ikaleta mapo. Qui a amené maintenant le plan. Ya kumkomboa muntu. De racheter l'homme. De je veux. Asema mina penda. Ma volonté. Ma pen, ma penzi yangu mina penda. Qui soit ramené à la vie. Bapate kurudishwa kubujima. L'amour de Dieu. Ma pendo ya Mungu. L'amour de Dieu. Ma pendo ya Mungu. Manifesta sa grâce. Ikaonekanisha neema yayo. Manifesta sa bonté. Ikaonekanisha wema wake. Manifesta sa miséricorde. Ikaonekanisha rehema yake. Sa compassion. Makushiku mapendo yake. Mumapendo. La grâce. Kusema neema. La grâce. Neema. La bonté. Wema. La compassion. Kushiriki. La miséricorde. Rehema. Sont les fruits. Ni matunda. De l'amour. Ya mapendo. Divin. Ya Mungu. C'est la manifestation de l'amour divin. Kwa mapendo ya Mungu. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Tu manifestes. Ika onekana. L'amour dit, nous allons en parler plus tard, le concept de sa volonté. Tu taisema mushauri ya mapenzi yake. Mapendo ya Mungu ya Yesu. Je veux sauver. Mina ma penda, volonté de mapenzi sauver. Yangu ni kuokoa. Et pour sauver l'homme. Na njia kuokoa mutu. Ils sont tombés en Adam. Bari yangu kandani Adam. Moi je veux fournir Christ. Na mie mitatosha sa Christu. C'est en Christ. Na ni ndani ya Christu. Christ fut donné. Christu akaletwa. Comme solution sawa, à tous les problèmes de l'homme sans exception. Kumambo yote ya muntu bila kutoshako. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Fournit Christ. Ikatoa sasa Christu. Pour le salut. Ya ukou. De tous les hommes. Ya batu bote. Sans distinction. Bila achanisho. Sans faire exception de personne. Bila kuchakula mutu. C'est vrai frère. Bia kweri nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweri dada yangu. Christ. Christu. Est l'expression. Jo konekanisho. De l'amour de Dieu. Kwa mapendo ya Mungu. Christ est le moyen par lequel Jonana kupitia Dieu yayo Mungu a offert alitoa la grâce neema yake la miséricorde rehema yake la bonté wema wake la compassion shirika kwake tout yote en Christ. Dani ya Christu. Et tout. Na yote. Par Christ. Kupitia Christu. C'est lui. Ni yeye. La solution définitive. Jibu ya mwisho. Solution totale. Jibu ya lote. Pour toute situation. Ya mambo yote. Dans laquelle. Mule. L'homme a été plongé. Ariangukia par la chute d'Adam. Kupitia kuanguka kwa Adamu. Le relèvement. Kulamushwa. de l'homme, kwa mtu, c'est en Christ. Ni ndani ya Christ. La vie éternelle, mujimo wa milele, en Christ. Ni ndani ya Christ. Le bonheur éternel, rai ya milele, en Christ. Ni ndani ya Christ. Le pardon, usamea, en Christ. Ndani ya Christ. La justification, kuhesabiwa haki, en Christ. Ndani ya Christ. La sanctification, utakaswa, en Christ. Ndani ya Christ. Le renouvellement, kufanywa upya, en Christ. Ndani ya Christ. Le baptême du Saint-Esprit, en Christ. Ndani ya Christ. Christ, Christu, et les dons gratuits, zawadi ya bure, que Dieu, il est mou, que l'amour de Dieu, il mapendo ya Mungu, a offert à l'humanité, kwa ulimwengu égaré. Il est ikwesa kupotea. Le péché, la mort, Zambi, na avec toutes ses conséquences, pamoya na matokeo yote ya mubaya, mais le salut, lakini oko, et le bonheur, na ra, et la vie, na bujima, avec toutes ses conséquences, na matokeo ya yote ya mzuri, ni ndani ya Yesu. Nduku, ma chère, dada yangu, la victoire, ushindi, en Christ, ndani ya Christ, la guérison, matunzo, en Christ, ndani ya Christ. La paix du cœur. Salama ya moyo. En Christ. Ndani ya Christ. La joie éternelle. Furaha ya milele. Ya moyo. Ndani ya Christ. Le bonheur. Ra. En Christ. Ndani ya Christ. Duku. Nous recevons tout. Tunapokea vyote. Par Christ. Ndani ya kupitia Christ. Na ndani ya Christ. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Depuis l'éternité. Tangia mulo milele. N'a pas considéré la méchanceté de tout homme. Non, non, non, non, non. Apana, apana, apana. C'est vrai, frère. Kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ya kweli dada yangu. C'est sa volonté. Ni mapenzi yake kamilifu. C'est son amour. Ni mapendo yake. Il faut sauver tout homme. Frère, Nduku, au nom de Jésus-Christ, Mungina la Yesu Kristo, kama unapotea, si tu te perds, ni we mwenye ndio unapenda kupotea. C'est toi seul, tu le veux. Ni we peke ndio unapenda kupotea. C'est toi seul, tu veux ton égarement. Ni we peke ndio unajiperverti. Unajarabisha. Dawa, la, le remède, Iko, est là. Dawa, le remède, le toaka, a été déjà livré. Dawa, le remède, Iko wakati ya mangaribi, est là, ce soir. C'est toi seul tu refuses de prendre. Mais la volonté parfaite de Dieu. La kini mapenzi kamilifu ya Mungu. Ni weye. C'est que toi. Ukuye na bujima. Que tu aies la vie. Ni weye. Et que toi. Ukuye mutakatifu. Que tu puisses être saint. Frère. Nduku. Kama Christ alitumwa. Si Christ a été livré. Jour, c'est pour que. Ou satisfiwe. Que tu puisses être lavé. Na zambi. De tes péchés. Bouchafu. Avec tes souillures. La solution Jibu est là pour toutes choses. Jibu ako, juu ya mambo yote. Et pour tout homme. Na, juu ya mtu wote, bila kutosha kwa ta mtu. Vous n'avez pas à vous condamner. Na ya kujihukumu nayo. Hata kama ulizalikwa kutokea ndumba. Hukumu. Aina njo mambo ile. La solution Jibu est déjà là. Jibu ako, Dieu Mungu a formé aeta kuumba un projet de bonheur mapu pour toi. Ya ra juu yako. Dile. Ubambie. Dile. Wende ukebambie. Que j'ai formé un projet de bonheur. Ya kwamba militunga mapu ya ra juu yabo. Dile. Uende ukebambie. Je ne veux pas les voir mourir. Ya kwamba mitipende kubaona bakufu wewe. Dile. Ubambie ukebambie. Ya kwamba jibu ikwako. Dile. Wende ukebambie. Même leur péché est déjà expié. Vanessa Kuyongoka, Ubambie. Qu'ils viennent accepter. Bakuye Tubetike. Bariba Ujita. Qu'ils acceptent aussi. Nabo Betike. Biabule. Papate Kurudia. La solution Jibu est déjà là. Yo Ikoako. Dile. Pourquoi vous demeurez dans le péché? Juu anini munaendelea kuishi mzambi? Jibu ikwako. Pourquoi tu es malade? Juu anini kupa mgonjwa? Jibu ikwako. Il y a la solution. Kuko jibu kumambo yote. Pourquoi tu n'as pas de paix? Juu anini ana salama? Jibu chikwako. Pourquoi tu te sens isolé? Juu anini unajisikia kwa wewe mwenyewe? Jibu ikwako. Il y a une solution. Kukwako jibu. Pour toute chose. Juu ya mambo yote. Pour l'homme déchu. Kwa ule mtu alianguka. Il y a de l'espoir. Kuko tena matumaini. Allez leur dire ça. Wendo kebambie vile. C'est vrai frère. Jo vile ni duku kweli. C'est vrai ma sœur. Ni kweli dada yangu. Il y a la solution pour toute chose. Jibu ya mambo yote. Pour tous tes problèmes. Ya mambo yako de yote. Ta vie. Ya maisha yako. Ne vous inquiétez de rien. Hapana kuhangaikia kitu. Ne vous inquiétez de rien. Hapana kuhangaikia kitu. Wendo kebambie. Il y a la solution. Ya kwamba kuko jibu ku mambo yote. Tu as été chassé par la famille. Jamaa yako kufukusha. Dile. Wendo kebambie. Le projet. Mapu. Est un projet de bonheur. Ni mapu ya ra. C'est vrai frère. Ta kweli nduku. Tu as été chassé par un mari. Bwana alikufukusha kubwe. Dile. Wendo kebambie. Le projet. Mapu. Est de bonheur. Iko ya ra. Jésus. Yesu. Est votre premier époux. Jo bwana yako wa kwanza. C'est vrai frère. Ndia kweli nduku. Lui ne déçoit jamais. Ye asipatianake haya. C'est vrai frère. Ndia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ndia kweli dada. Allez le dire. Wendo kebambie. Annoncez. Ubatangazie. N'ont-ils pas d'enfants? Et tu vas batoto? Moi? Mie. Je donne des enfants. Mina letaka batoto. N'ont-ils pas de père? Et tu vas na baba? Moi? Mie. Je suis leur père. Niko baba yabo. Il y a la solution. Jibu. Pour tout. Ikwako juu ya byote. Pour tout chose. Ya bitu byote. Duku. Il n'y a pas Akuna de mort éternelle. Lufulu amilele. La mort n'est pas éternelle. Aina lo amilele. La souffrance n'est Mateso pas éternelle. Aina amilele. Le malheur n'est pas éternel. Ole, aina la maladie n'est pas éternelle. Magonjo, aina amilele. Il y a une solution jibu, pour toute chose en Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Christu. Il n'y a pas de péché éternel. Akuya kuyaka Zambia milele. Hapana, hapana, hapana. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada. Dile. Ubambie. Dile. Wendo kebambie. Ce que je désire. Ya sema kile mimi nataka mie mungu. Et que le méchant meurt. Et ti mutenda mubaya kufe. Et ti mtenda zambia kufe. Et que l'enfant d'Adam. Et mtoto Adam. Endelee kufa mzambi. Hapana. Dile. Wendo kebambie. Il y a la solution. Ya kwamba kuko jibu juu ya Kristo. Mambo yote ndani ya Kristo. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada yangu. Cette solution là. Ile jibu. Ne Dieu. Mungu. Ne l'a pas donné. Asikupatie. À la croix. Mule musalaba. Il a donné cette solution. Ile jibu. Dans l'éternité. Mule umilele. Amen. La croix Musalaba est la manifestation du plan que Dieu a conçu dans l'éternité. Mumilele. Même Jésus est la manifestation du plan que Dieu a conçu dans l'éternité. Même toi, Ataweye, tu es la manifestation du plan que Dieu a conçu depuis l'éternité. Duku. Dis-le. Dis-le. Le projet que je forme pour eux, c'est un projet de bonheur. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Dis-le. Le malheur pour eux a déjà cessé. Frère. Duku. Ma sœur. Dada yangu. C'est ici. Ni apa. C'est ici. Ni apa. Où Dieu Pale Mungu a formé Aritunga son triple dessin. A ma maksudi yake tatu. Que femme en âme explique dans Christ et la révélation Christu, du mystère de Dieu. Ya siri, qui ont déjà lu cela? Banana isha somakai. Qui ont déjà lu cela? Banana isha somakai. I brochure. Voyez. Ici, pour qu'on m'explique le triple mystère ya kusema masiri tatu ya Mungu. C'est ici. Ni umu. Que Dieu forme ça. Jomiritunga ile. C'est vrai, frère. Kweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Ni kweli dada yangu. C'est ici. Ni hapa. Quel est le triple mystère? Je parle ma siri tatu. Le triple dessein de Dieu. Il est maksudi tatu. Fut proposé. Ika weka sasa. C'est vrai. Ni kweli. Dieu maintenant résout. Mungu akabeba sa mipango. Dieu. Mungu. Désirait maintenant lui-même. Alipenda sa yemu nyewe. Se révéler à l'homme. Apatita kujifunula kwa muntu. C'est vrai. Kweli. Dieu lui-même. Mungu yemu nyewe. Il voulait venir. Alipenda kuya. Vivre dans l'homme. Kuishi sasa ndani ya muntu. Dieu lui-même. Mungu yemu nyewe. Il voulait rétablir. Alipenda sasa. Son royaume. Kurudisha kifalme yake. C'est ici. Nani hapa. L'amour de Dieu. Je parle mapendo ya dans Mungu. Dans le plan de Dieu. Mbapu ya selon Mungu. Selon sa volonté. Kufatana mapenzi yake. Avec conçu. Jo ilitunga le triple, sasa. Le triple dessein. Makusudi tatu. De Dieu. Ya Mungu. Pour toi et pour moi. Juu yako, juu yangu. Dieu a dit. Mungu anasema sasa. Moi, mie. Je deviendrai comme eux. Mita kwa sabo. L'amour de Dieu. Mapendo ya Mungu. Dis, je deviendrai inasema, comme eux. Mita kwa sabo. Et pour que Satan na njou shetani, ne se moque plus d'eux, et qu'il ne tombe plus jamais, na, je deviendrai habiter en eux. C'est vrai, frère. Bien quoi, l'induku. Pour que le royaume, mon royaume, fane wangu, mon royaume, qui palme yangu, qui palme yangu, qui a choisi terrika, qui pate kurudishwa, dans mon royaume, qui palme yangu, Satan ne peut plus y jouer. C'est un essai que vous taisez à motena. Moi-même, mi moya sasa, je vais faire un trône. Qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, qui tient ou aise, la séduction du diable. Tu ne puisses pas accepter encore le mensonge du diable. Tu ne puisses pas encore tomber dans le péché. Moi-même, je ne resterai pas dehors. Je vais habiter en eux. C'est vrai, frère. Bien quoi, Rinduku. C'est l'amour de Dieu. Il est Joma Pendo Yamungu. Il a tout fourni. Il est Iltumika Ileote. Il est Tayote. Musome I Maobili. Attendez, j'ai lu quelque chose. Écoutez, j'ai lu comme quelque chose. Que moi, ne lisez pas. Même si on vous dit d'aller lire, vous n'allez pas lire. Personne n'est pas sur bibliothèque pour demander les brochures de livres. C'est pourquoi il y a d'autres, il y a beaucoup de choses qui vous passent. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Christ ni ufunu ya siri ya Mungu. À partir de la page 14, kuanzia jusqu'au paragraphe 17. Karatasi yake ya 14. Remarquez. Tazameni. Que dans ce grand mystère. Muisiri mukubwa. Le dessein de Dieu est triple. Makusudi ya Mungu iko tatu. Dieu, dans son grand mystère, Mungu, mustiri yake mkubwa, qu'il connaissait avant la fondation du monde, alikuwa kanisa kuyua mbele, il avait un triple dessein dans ce mystère. Na makusudi tatu mustiri yake. Et na, c'est ce que nous allons étudier ce matin. Joile, nous, tutafunda yasubui, atuna wakati. Nous aimerions découvrir ce triple, tu, ce triple dessein. Tunapenda kuvumbula ile makusudi yake. Voici le premier. Tazameni ya kwanza. Dieu désirait. Mungu alitaka. Se révéler aux hommes. Nula kubatu. Vous voyez? Munaona. Il ne pouvait pas le faire. En tant que Dieu. Sawa Mungu. Le grand Jéhovah. Ule Jéhovah mukubwa. En tant qu'Elohim. Sawa Elohim. Qui remplit l'espace. Ule le temps et l'éternité. Milele. Dieu ne pouvait pas se révéler à l'homme. En tant qu'Elohim. Sawa Elohim. Même en tant que Jéhovah. Ata Jéhovah. Il ne pouvait pas se révéler. Ashkwezi kujifunua kwa mutu. Qui pouvait le comprendre? Nanya rozi kumapasha kumwelewa. Qui pouvait? Nani apasha kumwelewa? Qui pouvait le contenir? Nani apasha kumushika? Dieu a dit. Mungu anasema. Je suis éternel. Niko wa mileli. Je suis tellement grand. L'homme est ma créature. L'homme n'est qu'une pensée dans ma pensée. N'est qu'un attribut dans ma pensée. Si je reste éternel, je reste Elohim. Je reste le grand Jéhovah. Il ne peut pas me comprendre. C'est vrai, frère. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas se révéler aux hommes en tant que Dieu, en tant que grand Jéhovah, en tant qu'Elohim. Non, Elohim. C'est vrai. Non. Qui remplit l'espace, le temps et l'éternité. C'était impossible de se révéler de cette manière à l'homme. Sa gloire. Sa gloire est telle qu'elle ne pourrait jamais être révélée aux hommes. Car ce serait trop mystérieux. N'a-t-il pas dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Qui peut le saisir? Qui peut le comprendre? Vois bien mes frères. Ce serait trop mystérieux. Comment cet être glorieux pourrait-il être? Si vous vous envolez au-delà des centaines de milliards d'années-lumière de l'espace et que vous partiez dans l'infini, dans l'éternité, vous constaterez qu'il y a un créateur qui était tout cela et qui est toujours. Vous voyez, et pour que l'homme afrique mukipimu ya kumwelewa arrive au point de comprendre donc qu'il est Mungu alisema que Dieu a dit maintenant nitakuya Mungu, moi je serai un homme. Ça y va, on y va en tout. Comme eux, ce sont des hommes. Nami et Misa Kouya Muntu. Je veux devenir un parce homme. Parce que Muntu, l'homme, Ataelewa Muntu Mwingine, doit comprendre un autre homme. Bagia, si je reste, toujours dans cet état d'Elohim, Akuna Muntu Atanielewa. Il n'y a personne qui peut me comprendre. Frère. C'est vrai, ma soeur. C'est pourquoi il est venu se révéler. Comment arrive-t-il à ça que Dieu nous l'a caché? C'est grand mystère. Il est siri mukubwa. Qui a été caché? Il est quoi, il est kufuti? Depuis la chute de l'homme. Tangia kuanguka kwa mtu. Nous a été révélé. Kufunuliwa. À nous les vauriens. Kwe tushie bashipokintu. À nous les vauriens. Tushie bashipokintu. Frère. Dieu voulait se révéler. Mungu alipenda kujifunua. Pas seulement se révéler. Hapana tu kujifunua. Il voulait vivre. Alipenda. Dans l'homme. Kuishi ndani ya mtu. Vous voyez. Munaona. Mais il était aussi un père. Alikuwa tena baba. Et il était direct de sa paternité. Alipenda kutumikia baba bwake. Elle est le moyen pour lui de l'exprimer. Na namna tu mwa kuionekanisha. Et de devenir ilikuwa un fils de l'homme. Apate kuya mwana wa mtu. C'est la raison pour laquelle kwa sababu yenyewe parlait toujours du fils de l'homme. Vous voyez, il y en a beaucoup qui ne savaient pas de quoi il parlait. Qu'est-ce que tu fous de moi, fils de l'homme? Qui l'arrange à kusemea, munasema nini juu ami mwana wa mtu? Dieu qui le Yesu. C'est la raison pour laquelle. Arrange à kupenda. Jésus-Christ sana. Aimer moine ou tout s'appeler du fils de l'homme. Pourquoi? Le jour parce que Arikuya, il était l'accomplissement de ses projets. Il a des tungaka, le projet qu'il avait conçu l'éternité. De Mutanga Milele. Akuye Muntu, qui puisse devenir un homme, kubantu, qui puisse se révéler aux bantu, hommes, qui puisse vivre avec bantu, les hommes, manger avec les hommes. Vous voyez, vous n'avez à saïdie banque qui puisse aider à les banques qui puisse sauver les hommes. C'est vrai, frère. Vous voyez, munaona, il y en a beaucoup qui ne savaient pas de quoi il parlait. Mais maintenant, avez-vous compris? Munaelewa sasa. Il désirait s'exprimer lui-même. Jionekanisha yeye mwenyewe. C'est là l'un de ses trois glorieux desseins. Jo ile mumoya ya ile makusudi tatu yake. Lui-même. Kujitambulisha mwenyewe kwa mtu. Elohim. Elohim. Elohim Aripenda kuya il voulait être devenir un homme. Écoutez. Mushiki. Elohim. Elohim Il n'était pas le vent, non. Même dans l'éternité. Attends, Milele. Elohim, Elohim, il était un homme. Mais Arikuya Muntu Wakiro. Il était un homme spirituel. Maintenant, Arikenda Kuya Muntu. Il voulait être un homme. Wadamu na mwili. De sang et la chair. Kalisa Tufamo. Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu. L'image de Dieu a la forme d'homme. Elohim, ou Dieu, n'est pas le vent. Il n'est pas le vent. Elohim est Elohim un homme. Vous voyez bien, mes frères. Mais un homme surnaturel. Un homme qui a les yeux, qui a les pieds, qui a les mains, qui a la tête, qui a le cœur, qui a le ventre. C'est vrai, frère. Il a les bras. Mais les bras spirituels. Les yeux spirituels. Les oreilles spirituelles. Il avait commencé par le révéler dans l'homme. Qu'il avait créé. Parce que l'homme était l'image de Dieu. C'est pourquoi l'homme que Dieu avait créé était double. Il y avait d'abord un homme spirituel qui ressemblait à Elohim. Il y a eu un homme charnel qui a été tiré de la terre. Maintenant Elohim il est resté dans le spirituel. Maintenant il voulait se manifester dans la chair comme son fils a été créé. A été mis dans la terre. Oui, comme ouais, mes frères. C'est pourquoi en créant Adam, il ne va pas créer comme les crapauds. Il ne va pas créer comme il doit créer un homme comme toi qui es, comme tu es, que moi je suis. Il avait tiré en Adam. Elle a ressemblé à Adam. L'homme. C'est pourquoi Adam dit, cette fois-ci, voici chair de ma chair, os de mes os. Maintenant, il voulait se manifester à qu'il soit un homme, wanyama, un homme de Nadamu, la chair et le sang, Daniake, en lui, wakiro, avec l'homme, c'est lui l'éternel qui était dans l'éternité et qui marche dans la chair de l'homme. Frère, non, donc, papa, yoye, même pape ne sait même pas ça. Pape, même pas. Le pape, il ne maîtrise pas ça. Ayoué. Ayoué. Il ne connaît pas, il ne maîtrise pas. Non, donc, la théologie les théologiens de Mulungwishi ne connaissent rien sur ça. Tous ceux qui sont allés étudier au Canada, en France, ils ne maîtrisent pas ça. Il a fallu que lui-même se révèle. À quoi dit Founou le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est Jésus du Nouveau Testament. Jésus Jésus-Christ est la veste donc Ninkochi d'Elohim. Il y a Elohim. De Jéhovah. Il y a Jéhovah. C'est vrai, frère. Quand d'autres termes, Jéhovah est le cinglé. Dieu cinglé. D'Elohim. Maintenant, Jésus-Christ, celui le corps d'Elohim. Oui, il y a Elohim. Voyez, mes frères, il voulait s'exprimer. Deuxièmement, avoir la prééminence dans son corps. Avoir la prééminence, écalée. La prééminence dans son corps. Bele des croyants. Yabamini, son épouse. Afin de pouvoir vivre dans l'homme. Deuxième objectif. Il est la prééminence dans son église. Qui est l'épouse. Il est la possibilité de vivre dans l'homme. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Et il ne pouvait pas vivre dans l'homme en tant qu'homme de chair. Voilà pourquoi il a dû être Saint-Esprit. Voyez bien, mes frères. Voyez bien, mes sœurs. Et troisièmement, rétablir le royaume dans sa position normale. D'où il est tombé à cause du péché du premier Adam. Juu ya Zambia Adam wa kwanza. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vraiment ça. Ya kweli dada. C'est l'amour de Dieu qui a fourni ce, qui a fourni ce plan. Et la volonté de Dieu dit, je vais sauver tout homme. Mon frère, ma chère, la grâce est encore là. Même ce soir, la grâce est encore là. Même ce soir, les dons gratuits vous êtes déjà offerts. Ça ne dépend que de toi. Parce que tu as ton libre arbitre. Père, dis-le. Le projet. Y a quoi ma map? C'est un projet. Ni mapu. De bonheur. Yara. Un projet. Mapu moya. Un projet de bonheur. Mapu yara. Il y a de l'avenir. Kuko maisha mzuri. Il y a de l'avenir. Kuko mwenda maisha. Il y a de l'espérance. Kuko matumaini. Kwa ceux qui se confient en Christ. Bena tumaini ndani ya Kristo. Nduku. Ma sœur, dada yangu, il y a de l'avenir pour toi. Kuko mwenda mashiku mzuri. Il y a de l'espérance. Kuko matumaini. Frère, nduku. Ma sœur, dada yangu, même si tu n'as rien, même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas une maison, même si tu n'as pas élu, il y a de l'avenir pour toi. Kuko mwenda, il y a de l'espérance. Kuko matumaini. Il y a une solution pour toi. Juu yako. Jésus Christ est la solution. Jojibu. Christ est la solution. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Levons-nous pour la prière. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Exprime l'amour de Dieu. Ikunonekanisha mapendo ya Mungu. Ushikufwe munzambi. Ne mourrez pas dans le péché. C'est vrai, frère. Yakwendo. Ushikufwe. Tu ne dois pas mourir avec les mauvaises pensées. Apana mon frère. Non, Duku. Il y a une solution pour toi. Il y a de l'avenir pour toi. Kuko, le projet Mapu. A déjà été formé. Ce n'est pas aujourd'hui. Aina Leo. Ce n'est pas Ngoï. Aina Ngoï. Ce n'est pas José. Aina José. Ce n'est pas Branham. Aina Branham. Ce n'est pas Frank. Aina Frank. Ce n'est pas n'importe qui. Aina Zurumukani. Il a fait ce projet pour toi. Lui-même, Elohim lui-même, Elohim a déjà formé ce bon projet pour toi. Il est mapu mzuri juu yako. Dis-le. Un projet de bonheur. Est formé pour vous. Vous avez de l'avenir. Vous qui croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous qui vous confiez dans l'œuvre du calvaire, il y a de l'avenir pour vous. Prions. Tombe. Seigneur, merci. Merci pour ce plan merveilleux. Merci.